Access. Yeah. Fan de la fouine, c'était sûr que je le ferais. Et si le temps c'est de l'argent, le chronomètre, j'arrêterai. La thèse la plus intelligente serait de dire que j'excellerai. C'est pas sur ce grab game que je vais m'apeurer. Des bâtons dans les roues, je ferai le nécessaire. Des KS et Strass, pas le temps pour les essais. On ne vend pas de la peau de l'ours avant de la voir tuer. Comme on se lance pas en autoprod avec un mic détérioré. T'inquiète pas, un jour, ouais, je l'aurai. J'ai pas besoin de trophées, car y'a trop de fakes. Trop de faits pour pouvoir oublier qui je suis. On n'oublie pas d'où l'on vient, car là-bas on y passe beaucoup de notre vie. Trop de choses à écrire, j'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Trop de lyrics, même bien pire. Plus de crainte, un brouillon dans mon fun. Un vrai nouveau, vrai nouveau, un vrai nouveau. Yeah, yeah. On se relève de tout, même des coups montés. On veut aller au bout, personne nous y a forcé. Et à force de prendre des coups, va falloir nous féliciter. Et même sans sous, on veut aller au bout, aller au bout, aller au bout, aller au bout. On veut aller au bout, aller au bout, aller au bout, aller au bout, aller au bout. Yeah. Attention, ça recommence, je veux pas tergiverser. Je peux faire de la romance ou bien même des versets. J'écris trop sur commande, mon but est de percer. Je fais ça comme une offrande, jamais été trop sensé. Yeah. Et les moyens du bord me conviennent, même avec insultes, tes textes me consternent. Tout ça me concerne, laisse-les parler. De toute façon, je fais mon chemin, je suis un soldeur à la Bob Marley. Et je suis trop loin pour vous, signe pas, je paraphe. T'es à l'intro, je suis au deuxième paragraphe. Perds pas ma trace, car tout peut arriver. Je fais un replay, pas du plagiat, toi tu fais du dupliqué. Et j'étais obligé, j'étais obligé, et j'étais obligé. Et j'étais obligé, on veut aller au bout, sans Christian Audigier. Yeah, on se relève de tout, même des coups montés. On veut aller au bout, personne nous y a forcé. Et à force de prendre des coups, va falloir nous féliciter. Et même sans sous, on veut aller au bout, aller au bout, aller au bout, aller au bout. Yeah, on veut aller au bout, aller au bout, aller au bout, aller au bout. Yeah. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, poteau? J'irai au bout. Kids on mic, pas TSK, mais je me défends quand même comme un fou. On a fait du chemin depuis l'écoute de Hey Jude. Là le comeback, je le refais, pas de vrai et faux. Et notre but dans la vie, ouais, minimum le MacBook. Génération paralysée, ouais, bienvenue sur Fakebook. La concurrence, on l'a niqué, Flo l'a dit dans ce rap game de TikTok. The Master of Suspense, ouais, appelle-moi Hitchcock. Et je m'améliore, mon vécu ne tient plus sur une feuille. Deuxième round, je ne ferai plus de fleurs. Pris de peur, ce n'est que des KSS. My check 1-2-1-2. Attends, je tape ça sur Galaxy Ace. Et j'excelle, oui j'excelle. Et j'excelle, oui j'excelle. Et j'excelle, oui j'excelle. Bye bye, je reviens avec mes rimes externes. Yeah, on se relève de tout, même des coups montés. On veut aller au bout, personne nous y a forcé. Personne nous y a forcé. Et à force de prendre des coups, va falloir nous féliciter. Et même sans souffle, on veut aller au bout. Aller au bout. Aller au bout. On veut aller au bout. DKSS, Kids on Mike.